Chapitre 26e. Monsieur Azimbert entra rassuré dans le cabinet de Monsieur Denis. Maintenant, il n'y avait plus rien à craindre. « Mon cher ami, dit-il en s'asseyant, vous m'avez fait plaisir, vous avez reçu votre fille en vrai père. » « Ce n'était pas ainsi que je voulais la recevoir, mais en l'apercevant, je n'ai pas été maître de ma faiblesse. » La tendresse paternelle l'a emporté sur la raison. « Ne regrettez pas un bon mouvement. » Chez les honnêtes gens comme vous, le cœur l'emporte toujours sur la tête. Ce premier mouvement involontaire ne changera rien à ma détermination. C'est ce qui fait que je ne suis pas fâché de m'y être laissé aller. Au moins, et quoi qu'il arrive, Marthe sera bien certaine que je l'aime comme je l'ai toujours aimée. Comment, quoi qu'il arrive, pensez-vous donc encore la marier malgré elle à Monsieur de Saint-Austrebert? Je ne sais pas quelles peuvent être aujourd'hui les intentions de Monsieur de Saint-Austrebert. Mais je les connais, moi, ses intentions. Le jour où Madame Denis est arrivée à la Quétive, j'avais été appelé à Pau par le procureur général, et celui-ci a usé de tous les moyens imaginables pour me rendre favorable aux prétentions de Monsieur de Saint-Austrebert. Si je contrariais ce mariage, je serais destitué. Si je l'appuyais, je serais décoré. Vous voyez que Monsieur de Saint-Austrebert veut toujours épouser Marthe, et qu'il ne recule devant rien pour réussir. En écoutant ces paroles, Monsieur Denis laissa échapper un geste de mécontentement. « Je ne sais quelles ont pu être les intentions de votre procureur général qui a tenu un étrange langage, si vous l'avez bien compris. »« Comment, si je l'ai compris ? Il a pu mal s'expliquer. C'est ce que je veux dire, mais enfin, si M. de Saint-Austrebert vient aujourd'hui me rappeler l'engagement que j'ai pris envers lui, je suis prêt à le tenir. » »« Malgré l'aversion bien prouvée de Marthe, trop prouvée par sa fuite, vous voulez encore la donner à ce vicomte ?»« Marthe a été trompée sur le compte de M. de Saint-Austrebert par des personnes intéressées à l'abuser. » Monsieur de Saint-Austrebert n'est pas ce qu'elle croit. Elle n'a qu'à le connaître pour l'aimer. Depuis que je vis avec lui dans une étroite intimité, j'ai pu l'apprécier. Il a toute mon estime, toute mon amitié. Pendant l'absence de Marthe et de sa femme, il a été ma consolation. Je sais ce qu'il vaut. C'est vous, mon cher Denis, qui vous êtes laissé tromper par d'habiles manœuvres. Il est de notoriété publique que Monsieur de Saint-Austrebert est. Je ne veux pas vous blesser. Tout le monde sait qu'il est le contraire de ce que vous dites. Son mariage avec Marthe est une spéculation, voilà pourquoi il le poursuit avec tant d'activité. Arrêtez ! Interrompit M. Denis avec impatience. Ce que vous me dites n'a aucun fondement, et vous devez comprendre qu'à Paris je suis mis en position de savoir à comment tenir sur ce sujet, que vous, à Gabas, vous n'êtes qu'un écho. Un écho bien informé. Mal, très mal, car je crois savoir de quelle bouche sortent les paroles que vous répétez, et cette bouche ne mérite aucune confiance. Je ne dois pas vous cacher que ces renseignements me viennent de M. R.M., qui, plus que personne, avait intérêt à se les procurer. Vous l'avez vu ? Vous l'avez reçu ? S'écria M. Denis. Vous, monsieur, vous ? Je ne l'ai point vu, je ne l'ai point reçu, je ne le connais pas, seulement j'ai lu les lettres de lui. Ainsi, non content d'aider ma fille à me fuir, de la recevoir chez vous, de la garder, vous l'avez de plus autorisé à entretenir une correspondance avec un homme que j'ai chassé. Marthe n'a point entretenu de correspondance avec M. R.M., mais comme elle vous aime tendrement, elle n'a pu, pendant le temps de son exil, rester sans nouvelles de vous. C'est M. R.M. qui nous a donné ses nouvelles. Chaque semaine, il m'a écrit à moi directement, et dans ses lettres, il m'a parlé de M. de Saint-Austrebert. Ces paroles produisirent un double effet sur M. Denis. D'un côté, il fut touché d'apprendre que Marthe avait voulu le suivre par la pensée. D'un autre, il fut blessé de voir que des relations s'étaient établies entre M. Azimbert et Philippe, l'homme qu'il avait chassé, comme il disait, ce qui pour lui était tout dire. « Jamais je n'aurais cru, dit-il, que je trouverais en vous un adversaire, et que dans une difficulté soulevée entre un père et son enfant, ce serait le parti de l'enfant que vous prendriez, et cela contrairement aux usages, contrairement à la loi naturelle et au droit. Permettez-moi de m'en plaindre. » « Je reconnais que vos reproches ont quelque chose de fondé, et je comprends très bien que ma conduite ait pu vous blesser. Me peiner. Vous blesser et vous peiner. Mais vous devez reconnaître aussi qu'il m'était difficile d'agir autrement. Si je n'avais pas accueilli Marthe, où aurait-elle été emportée par le désespoir qui la poussait? D'ailleurs, si pour moi elle était blâmable d'avoir quitté votre maison, elle n'était pas coupable d'avoir voulu échapper au mari que vous lui imposiez et qu'elle n'aimait pas. Je ne pense pas sur le mariage comme vous, et je crois qu'on ne se marie que pour soi seul. Dans ma position, je sais, mais les idées de votre position ne sont pas celles de la mienne. Ne suis-je pas le père de ma fille? Sans doute, vous l'êtes, mais moi je suis le père de sa mère. Je représente sa mère, et vous savez bien que si ma pauvre fille était encore de ce monde, elle ne ferait point violence à Marthe pour l'obliger à accepter un mari. et qui parle de faire violence à Marthe ?» s'écria M. Denis avec véhémence. « Où avez-vous vu que je voulais la contraindre à prendre M. de Saint-Austreberthe pour mari ? Cela n'est pas, cela n'a jamais été. Vous ne voulez pas que M. de Saint-Austreberthe soit votre gendre ? Oui, cela je le veux, mais je ne prétends pas l'imposer à Marthe malgré elle. Si Marthe veut me faire plaisir, si elle veut avoir égard à mon désir, elle épousera M. de Saint-Austreberthe. Si elle me refuse, et si elle le refuse, elle ne l'épousera pas. Je n'ai pas la prétention de lui imposer un mari de mon choix, mais par contre, j'ai la prétention de ne pas accepter le gendre qu'elle veut m'imposer. C'est ainsi qu'il faut envisager la question, et réduite à ces termes, elle est bien simple. Je désire que Marthe épouse M. de Saint-Austreberthe. Je ne veux pas qu'elle soit la femme de M. R.M. En agissant ainsi, je crois être un bon père. Jamais je ne donnerai mon consentement à un mariage avec M. R.M. Si Marthe persiste dans son amour, si, après plusieurs années de réflexion, elle veut quand même épouser M. R.M., elle le fera lorsqu'elle n'aura plus besoin de mon consentement. Je serai désolé, mais j'aurai la satisfaction de l'avoir obéi à ma conscience. Vos griefs contre Philippe sont donc bien graves. Il a séduit ma fille, séduit. Ne vous récriez pas, le mot est malheureusement vrai, car si matériellement il l'a respecté, il s'est emparé de son cœur et il en a abusé. Ma fortune étant le but qu'il visait, Marthe a été le moyen qu'il a pris pour l'obtenir. En commençant par se faire aimer de Marthe, il a voulu m'obliger à la lui donner. Il a tâché de forcer ma réponse. C'est exactement comme s'il l'avait mise dans la nécessité de l'épouser. Ce procédé est aussi criminel que celui de l'homme qui fait un enfant à une jeune fille pour agir sur les parents. Monsieur R.M. n'est pas un honnête homme. Si je l'acceptais pour gendre, je suis certain que j'aurais à lutter sans cesse contre lui pour défendre ma fortune, dont il voudrait s'emparer petit à petit, comme il s'est emparé du cœur de Marthe. Voilà mes griefs. » Monsieur Hazimbert resta silencieux pendant quelques secondes, car si grand que fût son désir de servir les intérêts de Marthe, il se trouvait embarrassé pour opposer de bonnes raisons à M. Denis, au moins des raisons qui puissent toucher celui-ci. « Je n'ai rien à vous répondre, » dit-il enfin, « puisque je ne connais pas M. R.M. Je ne peux pas le défendre. Je suis peiné de penser que Marthe a mal placé son amour, car ce sera pour elle, si tendre et si aimante, un terrible chagrin qui pèsera sur toute sa vie. Mais de notre côté, j'ai trouvé dans notre entretien la consolation de savoir que vous n'imposerez pas Marthe à la présence de M. de Saint-Austreberthe. Ah, permettez. M. de Saint-Austreberthe est mon ami. Je serai toujours heureux de le recevoir, et je compte que Marthe sera avec lui ce qu'elle doit être avec un ami de son père. Je vous serai même reconnaissant de traiter ce sujet avec elle et de lui faire entendre raison. » Une chambre avait été préparée pour M. Hazimbert, mais il ne voulut pas l'accepter et il alla loger à l'hôtel. « Tu me livres à M. de Saint-Austreberthe, » dit Marthe avec reproche. « Laisse-moi ma liberté, je te servirai mieux. D'ailleurs, j'étoufferai dans cette belle maison où je n'ose ni marcher ni me moucher. » Le soir même du retour de Marthe, Saint-Austreberthe va faire visite à M. Denis. Il fut parfait de politesse avec Marthe, et dans toute sa conversation, il parut croire qu'elle avait accompagné sa belle-mère en Normandie. Mais il n'aborda les sujets qui pouvaient toucher à ce voyage qu'avec une exquise légèreté, de manière à éviter toute cause d'embarras. Cependant, Marthe étouffait. Jamais Saint-Austreberthe ne lui avait inspiré une telle horreur. Elle lui trouvait même, en le regardant à la dérobée, des défauts qu'il n'avait pas. Il lui paraissait laid et bête. Enfin, n'y pouvant plus tenir, elle se retira après être restée au salon jusqu'à la dernière limite de l'irritation. Son attitude avait été telle que M. Denis éprouva un sentiment de soulagement en la voyant sortir. Plus d'une fois, il avait eu peur qu'elle ne laissât échapper quelques paroles irréparables. « Elle est fatiguée du voyage, » dit Mme Denis comme excuse de ce départ. « Sans doute, » répliqua Saint-Austreberthe, « cela est bien naturel. Et vous-même, madame, devez avoir besoin de repos. J'ai voulu m'informer seulement de votre santé. » Il se leva et M. Denis le reconduisit. En traversant un petit salon, Saint-Austreberthe s'arrêta. « Je ne veux pas me retirer sans auparavant m'expliquer franchement avec vous au sujet de Mademoiselle Marthe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que lorsque vous avez cru devoir me rendre ma liberté, je n'ai pas voulu la reprendre, je vous ai demandé d'attendre. » « Parfaitement. Nous avons attendu et maintenant nous savons toute la vérité. J'avoue que cette vérité est terrible pour moi, cruelle pour mon amour et mortifiante pour ma fierté. Ainsi, en venant ici tout à l'heure, j'étais à peu près décidé, après plusieurs jours de lutte et d'hésitation douloureuse, à renoncer à la main de Mademoiselle Marthe. « Ah ! » fit M. Denis. « Oui. Et en chemin, je plaidais toutes les bonnes raisons pour m'appuyer dans cette résolution. Mais cela se passait en chemin. Je n'avais pas vu Mademoiselle Marthe. Maintenant que je l'ai vue, je sens qu'il m'est impossible de renoncer à elle. Toutes les bonnes raisons que j'ai pu me donner ont été emportées lorsque je suis entré dans votre salon. Mon amour est plus fort que ma volonté. Je vous demande donc de me garder votre parole. Seulement, comme nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette situation indécise, d'être acceptés par vous et refusés par Mademoiselle Marthe, voici la prière que je vous adresse. Accordez-moi encore un mois, et si dans un mois, je n'ai pu vaincre sa résistance, je renonce à notre projet. Pendant ce mois, permettez-moi de la voir souvent et donnez-moi toutes les occasions possibles de lui faire ma cour. Ainsi, je voudrais la voir demain, et si vous ne le trouvez pas mauvais, je serai bien aise d'avoir avec elle un entretien particulier de quelques minutes. À demain, mon cher ami. Je viendrai vers 5 heures. Vous nous trouverez vous attendant. » Et M. Denis serre la main de cet Ostrobert avec émotion. « Cet homme-là, un intrigant, un flibustier, que le monde parla, il savait, lui, à quoi s'en tenir. »